Je suis encore un peu grand, le monde est si petit. Entre l'autoroute, les trottoirs, les vitrines et mon lit. Je peux jamais sortir de table avant d'avoir payé. Il faut toujours dire vous quand on ne se connaît pas assez, ou qu'on est moins ancien, ou moins rémunéré. Et puis les autres. Et puis les autres. Et puis les autres ne veulent bien jouer. Une fois tout acheté, tout préparé, tout équipé. Mais quand je serai petit, je vous garantis que l'horizon va s'étirer, que le temps va se dilater, que les montagnes si fières voudront bien s'incliner. Encore un peu grand, à cet âge-là, on est bête. Entre l'aigreur, les silences, les fausses joies, les tristes fêtes. Je sais toujours pas dire non, vu que ça pourrait déplaire. J'ose toujours pas dire oui, parce que à quoi ça sert? Je ne prends pas très souvent des nouvelles de ma mère. Et puis les autres. Et puis les autres. Et puis les autres présument bien faire. Admirent la beauté de l'univers sans jamais se taire. Mais quand je serai petit, je vous garantis que je ne me laisserai jamais faire. Que mes pieds ne toucheront plus terre, que mon cœur s'envolera au premier courant d'air. Mais quand je serai petit, je vous garantis. Mais quand je serai petit, je vous garantis que je serai plus jeune que les jeunes filles. Et que toutes les personnalités, j'aurai le nez dans leurs chevilles. Seules les premières me feront rêver. Je pourrai tenir sur les balançoires, sans faire traîner mes trop grands pieds. Je monterai sur tous les perchoirs, sans chercher à les posséder. Je dirai t'es con si je le pense, et tu m'emmerdes si ça me plaît. Mais je ne ferai jamais l'offense d'intimider les désarmés. Je ne signerai jamais de pacte pour acheter la sécurité d'une vie qui te préserve intacte en échange des pieds et poings liés. Je saurai enfin forcer la chance, parce qu'il y aura tout à gagner, à surmonter les petites souffrances, et n'avoir pas peur de t'aimer, et n'avoir pas peur de t'aimer.